Lee Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères, s'est entretenu le 25 juin au palais des congrès de Mansudae à Pyongyang avec Netumbo Nandi-Ndaitua, envoyé spécial du président namibien, vice-premier ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération. Les cadres coréens intéressés et la suite de l'envoyé spécial, y compris Selma Ashipala Musabi, secrétaire permanent du ministère des Relations internationales et de la coopération, y ont pris part. On y a discuté du développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et des problèmes d'intérêt commun.